Je vis ici comme sous un poids qui m'accable, mais ne me brise point. Se résigner, c'est le vrai triomphe de l'art.